interlude contre tous ces fils de pute, coupable d'attouchement mineur, coupable de tous ces tortures. Je parle de tous ces pédophiles qui n'ont pas lieu de vivre, ceux qui niquent des filles des fils pour assouvir leurs désirs. La pire clôture du monde, ils la kiffent, c'est leur plaisir. Si t'as affaire à moi, tu souffriras, seras en prison. Ah ouais, le cul des gosses, c'est ça ta passion. À coup de cutter, bâtard, je te ferai des fellations. T'as vraiment rien trouvé d'autre pour tes seules relations que des enfants innocents, crois-moi ta vie par leur enfant. À l'heure de ton dernier jugement, je te le souhaite et puis le sentence. Je l'espère pour ce que t'as fait, tout ce mal c'est trop immense. Brûle en enfer, sale race, là tu vivras les maltraitances. T'as fait des trucs dégueulasses, pour toi y'aura pas de seconde chance. Tu mérites même pas de mourir, tu mérites les pires souffrances. Si t'as affaire à moi, c'est la torture jusqu'au silence. Le temps t'a donné, t'as fait de leur vie de la merde. Le temps t'a donné, t'as détruit tes familles entières. Enculé de ta mère, tout ça pour te satisfaire. Tu n'es qu'une grosse merde, une ordure, une ordure. Moi je peux t'enterrer vivant, 10 000 sous terre. Je t'ai dit y'aura pas de prison, tu mérites juste l'enfer. Non, plus jamais ça. Sale race de pédophile, tu n'as pas lieu de vivre. Sale race de pédophile, suicide-toi, tu vas souffrir. Sale race de pédophile, tu n'as pas lieu de vivre. Sale race de pédophile, suicide-toi, tu vas souffrir. Non.